Vous êtes placé en garde à vue pour outrage à agent. Je cite, enculé de képi. Vous trouvez ça normal de parler comme ça? Bah, en même temps, vous ne parlez pas mieux. Vous me mettez dans le même sac? Vous faites pas distinction? C'est tous les mêmes, c'est ça? Bah, disons que j'ai jamais croisé quelqu'un qui m'ait bien parlé, ni quelqu'un qui m'ait fait changer d'avis. Dialogue est rompu et je crois pas avoir envie de le rétablir, hein, voyez? Vous pensez pas que c'est un peu excessif? Vous croyez que ce serait mieux sans loi ni police? C'est pas ce que j'ai dit. C'est grâce à nous que le monde fonctionne, grâce à nous que ça file droit. On est là pour faire régner l'ordre. Ces mauvaises expériences vous a dû les provoquer, et donc les mériter. Ah ouais? Alors, explique-moi pourquoi tu fais le cow-boy depuis Sarko, t'es la police municipale, alors arrête de faire le show. Explique-moi pourquoi on se fait arrêter tout le week-end, même à pied tu nous reproches d'avoir teasé une bouteille. Explique-moi pourquoi quand je te vois je me sens en danger, alors ton rôle premier normalement c'est de protéger. Explique-moi pourquoi tu mets le védo dans ta poche. Explique-moi pourquoi t'as jamais la bonne approche. Explique-moi pourquoi tu nous fais la guerre. Explique au nom de quoi tu insulte nos mères. Explique-moi pourquoi personne ne peut te blairer. Pose-toi les bonnes questions au lieu de te venger. Explique-moi pourquoi même nos parents sont avec nous. Et s'ils viennent au poste, c'est contre toi qu'ils sont à bout. Explique-moi pourquoi tu te fous de notre gueule et que tu fais beaucoup beaucoup moins le malin quand t'es tout seul. Explique-moi pourquoi chez les jeunes personne t'aime, alors qu'avec les vieux tu rencontres pas de problème. Explique-moi pourquoi tu me dis que fumer nourrit le terrorisme. Pourquoi pour nous police égale racisme. Explique-moi pourquoi tu frappes les nôtres qu'importe leur âge. L'uniforme te fait bander mais arrête ton carnage. Explique-moi pourquoi honnêtement t'es un problème de société, que franchement je vois pas comment ça peut changer. Explique-moi pourquoi 20 000 chansons ne fera et que malgré ça tu t'enfonces vers le bas. Explique-moi pourquoi t'es toujours armé jusqu'aux dents. C'est pas comme ça qu'il y aura la paix. Écoute mes arguments. Explique-moi pourquoi t'es impliqué dans les bavures, hein. Pourquoi tu titilles le CSA et la censure. Explique-moi pourquoi quand j'ai eu besoin t'étais pas là et que tu nous fais des GAV pour des histoires de Gova. Mais explique-moi pourquoi c'est le cas de tous ici. Pourquoi là je t'entends mais tu tousses si. Explique-moi pourquoi police partout, justice nulle part. Faire ton taf, faut cautionner ce pays de bataille. Explique-moi pourquoi on prend une instru de 6 minutes, oui, pour bien démontrer que t'es une pute. Explique-moi pourquoi les pédophiles courent, et pourquoi face à nos problèmes tu fais le serein. Explique-moi pourquoi ils prennent qu'à bac moins 5. Pourquoi dans la bac y'a jamais nos zinc. Explique-moi pourquoi à 17 on pourrait poser ce couplet. Pourquoi une grosse cuite à Nantes c'est un jeune tué. Explique-moi pourquoi tu te fais caillasser. Tu t'es pas demandé pourquoi tant de haine nous animait. Explique-moi pourquoi Sarko s'est révélé ton mentor. Forcément depuis tu te sens encore plus fort. Explique-moi pourquoi tu tripes tes effectifs, mais que c'est que des jeunes en recherche d'identité qui kiffent. Explique-moi bon, pourquoi trois patrouilles pour deux voitures brûlées. Pourquoi du coup y'embrouille même avec les pompiers. Explique-moi pourquoi on en est arrivé là. Le dialogue est rompu, faudra s'y faire, connard. Explique-moi pourquoi tu me dis chez toi tu fais ce que tu veux, mais la rue c'est chez moi. Putain, c'était le pire des écarts. Oh là, ma petite dame. Ok, vous me semblez bien obtus, je vois. Vous êtes tout à fait le genre de jeune qui ne va pas changer. Et vous, tout à fait le genre de flic qui écoutera jamais. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a? Vous aussi, vous n'aimez pas la police? Vous voulez peut-être que je vous explique des choses aussi? Bah ouais. Explique-moi pourquoi, quand tu me sers avec du bédo, tu te prends pour un héros et baisse tes yeux devant les curés pédos. Explique-moi pourquoi, quand ma mère s'est faite agresser, t'as pas bougé. Pour moi, à 6h, tu t'es levé. Explique-moi pourquoi, ça te fait kiffer de me saouler avec mes papiers, alors pourtant, tu sais, je les ai jamais. Explique-moi pourquoi, quand je te croise en patrouille, soit j'ai les trouilles que tu me fouilles, ou si t'as envie de te casser les couilles. Explique-moi pourquoi, quand j'ai affaire à ta brigade anti-crime, je ne peux m'empêcher de penser à la ville mesrine. Explique-moi pourquoi, face à la loi, tu cherches pas plus loin que ton képi. Putain, franchement, tu me fais tiépi. Explique-moi pourquoi, tu balances dans les mosquées des bombes lacrymo et laisse crever des jeunes dans un transfo. Explique-moi pourquoi tant de bavures impunies et tant de mes frères enfermés pour quelques grammes de teuchi. Explique-moi pourquoi la plupart de ma génération se dit fière d'être anti-schmi, car fière d'être anti-con. Explique-moi pourquoi tant de suicides auprès de tes recrues, des jeunes qui gamins en ton métier y ont cru. Explique-moi pourquoi une balle dans la tête d'un jeune pour toi c'est 2 ans et l'inverse pour nous ce serait 20 ans. Explique-moi pourquoi t'es tellement fier de cette patrie de merde que pour elle tu serais même prêt à donner ta vie de merde. Explique-moi pourquoi je devrais te respecter alors que toi ton but premier c'est de me baiser. Explique-moi pourquoi tes seuls critères de recrutement c'est la taille et un tel psychologique qui vaut que dalle. Explique-moi pourquoi tu vénères Sarko, c'est ce fils de chien qu'on devrait enfermer dans un cachot. Explique-moi pourquoi tu me parles de tolérance zéro alors qu'en réalité réalité c'est tes patrons les pires, pas mes héros. Explique-moi pourquoi ma caisse tu peux la retourner. Ce gars avec sa valise diplomatique, tu peux pas l'approcher. Explique-moi pourquoi en période d'élection, toi et ta répression paraissent pour beaucoup être la seule solution. Explique-moi pourquoi on a tous cette haine de l'uniforme, alors qu'en vrai on devrait respecter tous tes hommes. Explique-moi pourquoi y'a tant de vices dans tes veines, que moi envers toi j'ai tant de mépris dans les miennes. Je t'explique que pour moi faire un texte sur les Schmitt me tait à cœur, car j'ai en moi bien trop de rancœur. Je t'explique que pour moi un Schmitt n'est pas un policier, car heureusement y'en a encore qui font leur métier. Je t'explique que pour moi les membres de Synergie ou Alliance ne valent pas plus que ces putes de Valence. Alors explique-moi pourquoi que même après steak j'ai pas de solution. Et puis merde, va te faire enculer pauvre con. Ok, d'accord. Allez, remettez-moi tout ça en cellule.